Don Bosco, Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines annonce pour très bientôt l'ouverture du marché des minerais au Burundi. Vous l'entendrez. Et le président de la République encourage les Burundais à se former à travers la lecture et les médias. Évariste Ndayishimiye procédait ce vendredi à l'inauguration officielle de la télévision Bounou émettant depuis la colline Ebouya en commune Mwomba, c'est dans la province de Ngozi. Des robinets sont considérés comme des statues puisque sans eau depuis longtemps dans la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les habitants de cette localité accusent la régie des eaux d'avoir détourné l'eau propre vers d'autres endroits. Et certains sites touristiques du pays gérés par les communes devraient revenir sous la responsabilité de la Direction générale du tourisme pour être mieux entretenus. Reportage à suivre. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président de la République du Burundi invite la population burundaise à se former et s'informer par la lecture et l'écoute des nouvelles diffusées par les médias. Évariste Ndayishimiye a officiellement inauguré ce vendredi la télévision Bounou émettant depuis la colline Ebouya de la commune Mwomba en province Ngozi. Cette télévision a dernièrement connu un incendie de ses bâtiments, comme l'a annoncé Pasteur Denise Vuchuminguruziza, représentante légale de la Fondation Bounou. Le président de la République du Burundi conseille aux Burundais de ne pas abandonner leur projet, même en cas de difficulté. Apollinaire Muzagara. Dans son allocution lors des cérémonies d'inauguration de la télévision Bounou, Pasteur Denise Vuchuminguruziza a indiqué que le projet télévision Bounou date de 5 ans. Et les félicite le Dieu Tout-Puissant qui leur fait arriver à cette journée, car ce projet a connu, selon elle, maintes difficultés en cours de réalisation, notamment la COVID-19 et l'incendie survenu en 2022. Ces difficultés ont freiné, d'après la représentante légale de la Fondation Bounou, l'avancement de ce projet. Mais voilà, enfin, se félicite-t-elle. Dans son discours d'inauguration de cette télévision, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, a fait un clin d'œil aux Burundais qui ne lisent pas de manière générale et leur a incité à aimer la lecture et suivre les informations qui, selon lui, constituent une école où on reçoit une formation nécessaire. Le président Évariste Ndayishimiye et Thierry Kitamoya, délégué du ministre en charge des médias, saluent tous la venue de cette première télévision qui émet depuis l'intérieur du pays. Elle permettra, selon eux, à la population du nord du Burundi à suivre ces informations et non seulement celles des pays voisins de Mumba en province Ngozi. Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et les habitants de la zone Rukaramu en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura demandent d'être réalimentés en eau potable. Ils disent que cela fait longtemps qu'ils se rabattent sur les caniveaux d'irrigation pour avoir de l'eau au risque d'attraper des maladies des mains sales ou alors ils se voient obligés de payer 2000 francs burundais pour un bidon de 20 litres. L'administrateur communal de Mutimbuzi accuse la régie des eaux d'avoir détourné l'alimentation en eau de cette zone au profit d'autres endroits et pour des raisons non encore connu, Boutoï Siméon demande à la régie des eaux de se ressaisir et réalimenter la zone Rukaramu en eau potable. Un reportage signé Placide Niyomongere. Ces habitants de la zone Rukaramu, en commune Mutimbuzi, ne se souviennent plus quand l'eau a coulé pour la dernière fois dans les robinets implantés ici et là et les qualifient actuellement de statues. On dirait qu'il s'agit des statues car l'eau ne coule plus. Demander de l'eau ici, c'est comme exiger du sang. Je totalise 3 ans ici. Je n'ai jamais vu de l'eau dans ces robinets. Des fois, pendant la nuit, je me retrouve seul au lit. Ma femme part à la recherche de l'eau à 22 heures ou à minuit pour revenir 3 heures du matin. Pour avoir de l'eau pour la consommation, la récive et la cuisson, ces habitants de Rukaramu disent se rabattre aux canaux d'irrigation. Nous trouvons de l'eau à boire ici dans ce caniveau. Nous nous lavons ici même, épuisant en même mettant de l'eau pour la cuisson. Je ne m'inquiète plus de la santé de mon enfant, il est déjà habitué. à côté, les autres se confient au forage. C'est au moment où regrettent ses habitants. Ceux qui le peuvent achètent un bidon de 20 litres à 2000 francs burundais. Sur ce puits, si je ne trouve pas quelqu'un pour m'aider, je retourne à la maison sans eau. Ces mêmes forages ont été placés dans des endroits où se trouvaient des latrines ou compostières. Cette eau n'est pas filtrée. On la consomme sale car on n'a pas de choix. Qu'on nous donne encore de l'eau potable. Ces habitants de Rukaramu disent ne pas comprendre pourquoi les quartiers de la même commune, comme Maramvia, sont régulièrement alimentés en eau potable. Siméon Butoyi, administrateur communal de Mutimbuzi, de son côté, accuse la régie des eaux d'avoir coupé cette alimentation pour des raisons non avouées et parle de deux poids, deux mesures dans cette distribution de l'eau. Tout juste ici, à la 15e transversale, il y a des gros boulons qui ont été coupés juste au fond. On ne peut pas dévisser en utilisant des pinces car c'est coupé. Et évidemment, on a condamné une direction. Face à cette situation, au niveau de la direction de l'eau, l'on indique être au courant de ce manque d'eau et affirme qu'une équipe de techniciens a été programmée pour faire le constat afin de réalimenter en eau potable cette zone. Placide Ni Yomongere. Le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines annonce que le marché des minerais sera ouvert au Burundi très prochainement. Dans un point de presse de ce vendredi, le ministre Ibrahim Ouiseye a précisé que des autorisations d'exploitation et commercialisation des minerais sont en train d'être délivrées conformément au code minier d'août 2023. Suivez ces précisions. Un nouveau code minier du Burundi a été promulgué le 4 août 2023. Les textes d'application du code minier du Burundi, en rapport avec la mine artisanale, la mine semi-mécanisée, la carrière artisanale et la carrière mécanisée sont disponibles. Par conséquent, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines est en train de délivrer des autorisations d'exploitation et de commercialisation des minerais conformément à ce code. Concernant la commercialisation des minerais, ici de rappeler que les minerais de cassitérite, colta et wolframite sont achetés et vendus par des comptoirs d'achat et d'exportation agréés par le ministère en charge des mines. Le ministère voudrait en outre informer le public qu'un marché des minerais sera bientôt ouvert. Les personnes qui désirent avoir plus d'informations y relatives peuvent contacter l'Office burundais des mines et carrières OBM. Le ministre en charge des mines, Ibrahim Ouiseye, et la direction générale du tourisme voudraient que certains sites touristiques gérés par les communes reviennent sous sa responsabilité. Doléan s'exprimait ce jeudi lors d'une descente effectuée sur le site des eaux thermales de Mugara en province Rumonge. Jacques Wigirimana indique que ces sites nécessitent d'être mieux entretenus. Une idée également partagée par les visiteurs de ce site qui affirment que ce dernier est très bénéfique pour eux. Reportage Sheila Irambona. Ces eaux qui coulent proviennent du site touristique des eaux thermales de Mugara, un site se trouvant dans la province Rumonge à plus de 20 km du chef-lieu de cette province. Ce jeudi, la direction générale du tourisme y a fait une descente pour s'enquérir de l'état des lieux de ce site touristique. Le directeur général du tourisme a indiqué qu'il a trouvé qu'il n'est pas bien entretenu et de plaider qu'il soit attribué à la direction générale du tourisme pour qu'il soit mieux aménagé. C'est apparemment abandonné. C'est un site qui rentre beaucoup d'argent, mais qui n'est pas entretenu. Alors que des touristes s'y rendent régulièrement, ils collectent de l'argent. Alors où va cet argent collecté? Mais si c'était géré par la direction générale du tourisme, je vous promets que le changement serait évident. Ces eaux thermales ont des vertus thérapeutiques selon ceux qui viennent s'y baigner. Ils demandent à ce que cet endroit soit mieux réhabilité. Ces eaux thermales sont très bénéfiques pour moi. Si je passe des jours sans venir ici, j'ai des fourmillements et je n'arrive à rien faire. Mais lorsque je viens me baigner, j'effectue bien des tâches ménagères pendant des jours sans problème. qu'ils emménagent bien cet endroit. Autre chose que nous demandons, il arrive des fois où une personne vient se baigner, qu'elle ait malaise à cause d'une hypoglycémie et qu'elle manque d'assistance. Il y a même une personne qui est morte ici à cause de cela. Nous demandons qu'il y ait une personne chargée de suivi des personnes venant se baigner ici. Ce qui s'est fait remarquer, c'est que la route menant vers ce site touristique est en mauvais état. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ont demandé à ce qu'elle soit mieux réhabilitée. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La suite de ce journal. Le tabac et la canne à sucre qui étaient ces dernières années cultivés dans certains marais de Kayanza ont été remplacés par le maïs pour la saison culturelle C2023 dans le cadre du projet de production agricole d'urgence. Et les agriculteurs s'attendent à un très bon rendement. Exemple, les marais de Gassambi en commune Muhanga et Nkokoma séparant les communes Butaganzwa et Rango pourraient donner respectivement 225 tonnes et 480 tonnes de maïs. Adelin Nyonsaba, directeur du bureau provincial de la protection de l'environnement, agriculture et élevage, appelle les agriculteurs à ne pas gaspiller cette production. Patrick Saint-Guillaume. Dans une visite sur le terrain organisée par une équipe en provenance des ministères et à l'agriculture en ses attributions, les chargés du suivi et évaluation de la réalisation de ce projet dit de production agricole d'urgence et les envoyés de la Banque africaine de développement qui a financé le projet, on a visité les marais d'Ogassambi en commune Muhanga et le marais de Nkokoma séparant les communes Butaganzwa et Muhanga. Les agriculteurs exploitant le marais d'Ogassambi font savoir que ces dernières années, ils cultivaient dans son marais du tabac, mais que ce produit ne leur procurait pas du profit. Même son de cloche avec les agriculteurs qui exploitent le marais dont on commence par les communes Rango et Butaganzwa. Ces agriculteurs indiquent que ces dernières années, ils cultivaient de la canne à sucre dans son marais dont on commence qui s'étend sur une superficie de 120 hectares, mais que dans la saison qu'ils traitent 2023, ils y ont cultivé du maïs et des semences de type panne 53 et qu'ils s'attendent d'ailleurs à une production de 480 tonnes. Les agriculteurs exploitant les marais d'Ogassambi et Nkokoma saluent chaleureusement le projet. Adelin Nyonsaba, directeur du bureau provincial de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, demande aux agriculteurs de ne pas gaspiller le rendement, mais plutôt d'écouler sur le marché, seul et le surplus, pour subvenir à certains de leurs besoins fondamentaux de tous les jours. Le directeur du BPA et Kayanza appelle les agriculteurs à bien se préparer à la saison cultivaire bien en cours. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumba pour la radio Isanganiro. Un peu plus au nord, les familles vulnérables de la province de Kirundo, estimées à plus de 6800, vont bénéficier d'un soutien de la part du projet Merangabandi dans sa deuxième phase pour entreprendre des micro-projets d'autodéveloppement. Chaque famille recevra désormais une somme de 72 000 francs burundais sur 2 mois au lieu de 40 000 perçus lors de la première phase. Ce projet sera exécuté par l'organisation Pathfinda et des mesures de son accompagnement ont été exposées dans une réunion tenue ce jeudi au chef-lieu de la province de Kirundo, d'où nous appelons Abraham Safari. Comme le précise Michel Nyabenda, coordinateur national du projet Merangabandi, initié par le gouvernement du Burundi, cette action est orientée au profit des familles les plus vulnérables. Le projet prévoit octroyer de l'argent pour chaque famille, remplissant les conditions. Mais avant cela, les familles doivent d'abord avoir une formation pour la bonne gestion de l'argent reçu et surtout s'orienter vers les petits projets génératrices de revenus. Michel Nyabenda continue en disant que la différence entre la première phase de ce projet et la seconde réside essentiellement sur l'augmentation de la somme reçue. Dans la première phase, chaque famille recevait une somme de 40 000 francs par 2 mois, c'est-à-dire 20 000 francs par mois, mais actuellement, elles recevront une somme de 72 000 francs par 2 mois, c'est-à-dire 36 000 francs par mois. Ici, des mesures d'accompagnement seront également données par l'organisation Pathfinda afin d'évoluer vers la création des associations, mais également vers les coopératives, comme le précise encore le coordinateur national du projet Merangabandi. Quant au chef de cabinet du gouverneur de Kirundo, Eric Ndoyezu, toute famille qui a bien suivi et a mis en application les conseils issus de ce projet a changé de comportement, du moins au cours de la première phase. Le chef de cabinet demande aux familles bénéficiaires d'éviter de gaspiller cet argent, sinon elle sera rayée de la liste. Précisons que 6831 familles ont été ciblées comme bénéficiaires du projet dans toutes les communes de Kirundo et le projet s'étendra sur l'échéance de 2 ans. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et en actualité africaine au Kenya, la Société du droit kenyan, une organisation d'avocats, appelle à une journée de mobilisation la semaine prochaine. Depuis mardi, une passe d'armes se joue entre William Ruto et la justice kenyane que le président accuse d'être corrompu et de l'empêcher de mener à bien sa politique de réforme. Des propos qui ont provoqué un véritable tollé dans le monde juridique kenyan. Ces derniers mois, plusieurs projets majeurs de William Ruto ont été bloqués par des décisions de justice, notamment sa loi sur l'assurance santé universelle ou sa réforme fiscale jugée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Nairobi. Et au Sénégal, la Cour suprême a confirmé jeudi 4 janvier la condamnation prononcée en mai dernier par la Cour d'appel à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation face au ministre du Tourisme Mamemba Yenyang. L'opposant Ousmane Sonko ne pourra donc pas se présenter à l'élection présidentielle du mois prochain, même si sa défense garde l'espoir d'une contre-attaque. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.